de pleno derecho en la persona de Bob Dylan. Ya era hora, porque no por ser obra corta y estar acompañada de música, deja la canción de ser una obra literaria. El autor debe detener el arte en unos pocos minutos de contar una historia, expresar unas ideas, unos sentimientos, crear una atmósfera. Suele buscar la belleza y la riqueza de las rimas, de las palabras, a veces jugar con ellas. Y por último, algunas canciones marcan la memoria colectiva tanto o más que muchos libros. Vamos entonces a dedicar esta sesión a la canción que habla de sí misma o de sus artistas. Empezaremos con el maestro de los maestros, que es nuestra sintonía habitual, Charles Trenet. En 1955 escribió una canción antológica, Moi, j'aime le musical, a mí me gusta el music hall. El music hall es un nuevo lugar de divertimento más grande que los anteriores que apareció en Francia en el siglo XX. Se podía cenar y ver espectáculos variados con números de cantante. El Olympia es el que hoy en día marca la pauta de la canción francesa. Cantar allí es entrar en el círculo de los elegidos. En esta canción, Trenet habla de la transformación del music hall. Van desapareciendo los malabaristas, las bailarinas y los caniches, y se van imponiendo el concierto tal como lo conocemos hoy en día, en los años 50. Rinde un homenaje a los grandes como Edith Piaf, Maurice Chevalier y de paso a él mismo, pero va nombrando a algunos jóvenes como Montand, Brassens o Aznavour, que vamos a escuchar a continuación. Escuchemos Moi, j'aime le musical de Charles Trenet del año 1955. Moi, j'aime le music hall. Ces jongleurs, ces danseuses légères et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Oh, moi, j'aime tous les samedis quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin, et déjà v'là le rideau rouge qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, c'est très drôle. Ça, c'est du bon souvenir. Du muguet qui ne meurt pas, cousine. Ah, comme elle poussait des soupirs. Les jeunes fillettes d'antan, du monde ou de l'usine, qui sont devenues à présent de vieilles grand-mamans. Ce fut vraiment Félix Mayol, le bourreau des chœurs de leur musical. Mais depuis 1900, si les jongleurs n'ont pas changé, si les petits toutous frémissants sont restés bien sages sans bouger, debout dans une pose peu commode, les chansons ont connu d'autres modes. Et s'il y a toujours Maurice Chevalier, Edith Piaf, Tino Rossi et Charles Trenet, il y a aussi, et Dieu merci, Patachou, Brassens, Léo Ferré. Moi, j'aime le music hall, c'est le refuge des chanteurs-poètes, ceux qui se montent pas du col et qui restent pour ça de grandes gentilles vedettes. Moi, j'aime Juliette Gréco, Mouloudji, Ulmer, les frères Jacques. J'aime à tous les échos Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. J'aime les boulevards de Paris quand Yves Montand qui sourit le chante, et ça m'enchante. J'adore aussi ces grands garçons de la chanson

prospérera devant moi. Des concerts de 100 000 personnes, où même le tout Paris s'étonne et se lève. Lo que podría haber dado de sí la carrera de Daniel Balavoine de no haberse muerto tan joven. Seguimos con la chanteuse a 20 ans, la cantante tiene 20 años, una famosa canción de Serge Lama en la que habla de la fuerza que empuja y mantiene vivos a los artistas. Llega a las 8 todavía sola, se encierra en su camarote y sonríe con cariño al espejo. Ya van 30 años que lo hace todas las noches y hace su entrada como si fuera la primera vez. Canta con esa voz, como dicen los periódicos, insustituible. Sonríe con esa sonrisa que solo es de ella y que nos gusta tanto. Ahora la cantante tiene 20 años. Escuchamos La chanteuse a 20 ans de Serge Lama del año 1973. Elle arrive à 8 heures. Personne n'est encore là. Elle ferme un double tour. Sa loge, et la voilà qui d'un air attendri sourit à son miroir. Ça fait bientôt 30 ans qu'elle fait ça tous les soirs. Puis elle prend son visage à deux mains, le caresse comme si ça n'était plus le sien. Puis elle prend les fards et les crayons, se dessine un sourire avec application. Les faux cils, la longue robe noire, les souliers de satin, la perruque d'argent. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras, comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme disent les journaux qu'on ne remplace pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle sort épuisée, son maquillage fond. Elle répond d'un air triste à deux ou trois questions. Elle s'habille en civil, elle rentre dans l'auto, puis s'endort sur l'épaule de son impresario. Elle revoit l'Alcazar et Deauville, à l'époque où les hommes étaient encore dociles. Elle revoit même ce petit chanteur sacrifiant son cachet pour lui offrir des fleurs. Elle revoit ses amoureux transis qui jetaient dans son lit des colliers de diamants. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme disent les journaux, qu'on ne remplace pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras comme si elle rentrait pour la dernière fois. Elle se plaint avec cette voix-là, comme diront les journaux, qu'on ne remplacera pas. Puis elle pleure avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimions tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Il jouait du piano debout, tocava el piano de pie, et c'est l'éxito del verano de l'año 1980, escrito por Michel Berger para su mujer, France Gall. Éxito tan grande que Elton John la llama enseguida para que venga a grabar un disco con él en Los Ángeles, en el que cantará en francés. El pianista de la canción es Jerry Lee Lewis, que efectivamente podía tocar de pie, incluso en un piano ardiendo. Es un himno a la libertad y a la diferencia. Tocaba el piano de pie, es quizás un detalle, pero para mí significa mucho, significa que era libre. Cuando los médicas están de rodillas y los soldados firmes, solo por la música era patriota. ¿Y por qué razones extrañas que la gente que piense diferente nos molesta? Escuchamos Il jouait du piano debout de France Gall del año 1980. Quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano de d'être lui, vous comprenez. Il n'y a pour sa musique qu'il était patriote. Il se mord du genre de neuf. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Son piano pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Ça vaut le coup. veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats au garde à vous, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Entramos en otro bloque sobre los motivos para cantar de los artistas. Y quedamos en familia. Empezamos por Chanter pour ceux, cantar para los, de Michel Berger. Es la primera vez que escuchamos a Michel Berger en este programa. Fue sobre todo un compositor para los demás, como Franz Gall o Johnny Hallyday. Compuso en 1978 Starmania, el ópera rock que todavía suena en la cabeza de los franceses, su máximo éxito. Como cantante tuvo algunos éxitos acompañándose al piano, como esta canción, versionada varias veces posteriormente a su muerte en 1992, a los 44 años, de un ataque al corazón en un partido de tenis. Otro que se fue antes de tiempo. Quiero cantar para los que están lejos y que tienen en los ojos algo que duele, que duele. Quiero cantar para los que poco a poco olvidamos. ¿Quién robó su historia? ¿Quién robó su memoria? ¿Quién pisoteó su vida? Canción que, tristemente, 30 años después, más que nunca es de actualidad con la crisis de refugiados que tenemos en Europa. Escuchamos Chanter pour ceux de Michel Berger del año 1985. Pensant qu'au bout du monde, y'a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu. Yeah.

à ma fenêtre et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. Terminamos este bloque con Le Steak, una canción de Maxime Le Forestier. Si el filete, filete de carne, ¿no? Si el filete que te resiste es mejor que mis canciones tristes, haz como si no estuviera, no canto para ti. Si la chica que te mima es más divertida que mi poesía, no canto para ti. Pero si me escuchas y que te gustan mis rimas, te cantaré maravillas y cantaré para ti. Escuchamos Le Steak de Maxime Le Forestier del año 1973. Si le steak qui te résiste est meilleur que mes chansons tristes, si tu es venu pour lui, faudrait pas que je t'empêche de digérer ta viande fraîche au prix où ça se paye ici. Fais de boules de pain pareilles, mets-les-toi dans les oreilles, fais comme si j'étais pas là. Je ne chante pas pour toi. Si la fille qui te cajole est plus gaie que mes chansons drôles, allez, mets-toi bien à l'aise. Je vois ta main qui s'occupe, qui s'insinue sous sa jupe. C'est pas si souvent qu'on baise. Fais de boules de pain pareilles, mets-les-toi dans les oreilles. Fais comme si j'étais pas là. Je ne chante pas pour toi. Si les banquettes moelleuses sont meilleures que mes berceuses, je te vois, déjà tu dors. Que tu bouffes ou que tu manges, faudrait pas que je te dérange, et je vais chanter moins fort. Fais de boules de pain pareilles, mets-les-toi dans les oreilles, fais comme si j'étais pas là. Je ne chante pas pour toi. Si tu es seul qui écoute, si tu viens et si tu goûtes la chanson pour ce qu'elle est. Quatre rimes maladroites que l'on trouve, que l'on rate, mais qui forment des couplets. Alors ouvre tes oreilles, je te chanterai des merveilles, c'est pour toi que je suis là, et je chanterai pour toi. Y terminaremos con Le Pornographe du Phonographe, una canción de Brassens, El Pornógrafo del Fonógrafo. Fiel a su estilo habitual, Brassens reivindica el uso libre de la palabra en tono de broma. Dice que intenta hacer canciones decentes, pero que se gana la vida cantando mal y no puede cambiar, si no perdería su público. Quizás iría al paraíso si cantara canciones más cristianas, pero su ángel de la guardia le dice que en sus canciones no puede más que cantar por el amor a una puta. Es el gamberro de la canción. Nos volvemos a ver o a escuchar el próximo 12 de diciembre y en todo caso podéis volver a escuchar todos los programas anteriores en la página web de Radiopolis 88.00 en La Chanson o también ya en Facebook.